Moi, je commencerai par revenir sur deux acronymes, les TMS et les RPS, qui constituent aujourd'hui dans l'espace public une classification des cas de maladies et de souffrance au travail. Alors, les TMS, pour troubles musculo-squelettiques, désignent des pathologies reconnues comme maladies professionnelles par la Sécurité sociale, et qui sont plus connues sous les formes de syndrome de canal carpien, de tendinite ou encore de lombalgie. Et puis les RPS, pour risques psychosociaux, qui rassemblent quant à eux les cas de stress, de harcèlement, de violence et d'épuisement au travail. Alors la limite qu'on peut rapidement identifier dans cette catégorisation est le clivage qu'elle suggère entre des maux qui relèveraient du corps et des maux qui relèveraient de l'esprit. Or, de nombreux travaux ont montré que la dynamique de la santé au travail se trouve trop à l'étroit dans un tel clivage. Alors, pour autant, l'usage répandu de ces acronymes offre la possibilité aux acteurs du monde du travail d'exprimer par là des situations préoccupantes et d'adresser leurs demandes d'action de prévention. Alors, comme on a pu l'entendre ce matin, ces actions de prévention passent souvent par une objectivation de la pénibilité qui se double d'une objectivation des facteurs de risque dans l'environnement de travail. Pour établir le diagnostic de ces situations, les salariés font souvent l'objet de questionnaires qui portent sur le ressenti des douleurs et sur leurs conditions de travail, ou encore de mesures biomécaniques pour évaluer des sollicitations musculaires engagées dans l'effectuation de leurs gestes professionnels. Alors cette double objectivation des douleurs, d'une part, et des facteurs de risque, d'autre part, ouvre souvent la voie à des actions de prévention, qui consistent, pour le dire en une formule ramassée, à repenser la bonne adaptation de la machine à l'homme et le bon fonctionnement des rouages de la machine humaine. Ainsi, et notamment en matière de prévention des TMS, les formations gestes et postures s'imposent massivement comme une véritable norme d'action sanitaire et sociale. Alors, d'une manière ou d'une autre, ces formations cherchent sur la base de standards biomécaniques à promouvoir des bonnes pratiques pour effacer du répertoire du métier ces gestes identifiés comme des gestes à risque. Alors, cette forme d'objectivation du geste fait d'emblée de celui-ci un facteur de risque. Or, si un geste professionnel peut constituer une source de souffrance, il peut aussi connaître un autre destin quand il relève d'une autre dynamique d'objectivation. L'objet de ma communication est d'insister sur cette autre forme d'objectivation du geste qui vise à engager les professionnels dans une dynamique collective de reprise et de transformation de leurs gestes professionnels. Ma communication prend appui sur une intervention initiée à la demande d'un service de médecine du travail d'une grande ville de la région parisienne sur une problématique de prévention des TMS dans le métier de fossoyeur. Cette intervention a été conduite en psychologie du travail et plus précisément dans le cadre théorique et méthodologique de la clinique de l'activité. Elle a débuté en 2007 et aura duré 3 ans. Elle s'est structurée autour de ces 2 pôles, d'une part avec les fossoyeurs. 3 collectifs d'analyse de l'activité ont été constitués et au total une 30aine de fossoyeurs sur les 90 environ que compte la ville ont participé plus ou moins directement à l'intervention. Puis d'autre part, avec les personnels de l'encadrement, de la médecine du travail et de la prévention des risques professionnels, qui ont été régulièrement réunis au sein d'un comité de pilotage de l'intervention. Au début de l'intervention, on peut décrire la situation de la manière suivante. Au niveau managérial, le discours convenu consiste à regarder les TMS comme des pathologies qui relèvent de fragilités personnelles et ou de résistance au changement. En effet, les fossoyeurs sont accusés assez rapidement de ne pas respecter les normes de sécurité. Ou encore, les bons conseils transmis dans leur formation gestes et postures, formation externalisée et confiée à un cabinet d'experts. Et puis, chez les fossoyeurs, le discours dominant est celui qui consiste à dire que chacun travaille à sa manière, selon son expérience et ses habitudes propres. Alors, on a là les ingrédients d'une dynamique, de l'isolement, qui crée même un double processus d'isolement. Un isolement du fossoyeur quand il est renvoyé à des standards de la bonne pratique très éloignés du métier, puisqu'ils sont basés sur des standards biomécaniques. Et puis un isolement encore du fossoyeur, mais parmi les siens, cette fois-ci, quand un accord, plus ou moins implicite, explicite, est trouvé au sein de l'équipe pour défendre l'idée que chacun sait ce qu'il a à faire et le fait à sa manière dans le strict respect de son identité propre, de son identité professionnelle. Les fossoyeurs ainsi opposent aux standards de la bonne pratique le respect de la variabilité interindividuelle et de l'identité propre. Le cadre méthodologique mis en place a visé à promouvoir une activité de reprise par les professionnels de leur modalité d'action pour entrevoir le renouvellement de l'action. Je vais donc maintenant vous présenter des extraits audio et vidéo des analyses menées par les fossoyeurs sur leurs activités de travail, mais bien sûr sans avoir le temps de détailler les méthodes utilisées. L'extrait audio que vous allez entendre est tiré du travail mené avec les fossoyeurs sur leur activité d'inhumation. Une analyse conduite par la méthode des instructions au sosie, alors que je définirai ici très rapidement comme une méthode originale d'entretien individuel développée en clinique de l'activité. Vous allez entendre la voix de deux fossoyeurs qui, chacun à leur tour, ont été placés en situation de passer des consignes sur leur manière de travailler à un intervenant chercheur. Et là aussi, vous entendrez deux voix différentes. Un point important, ces consignes sont passées en présence de leurs collègues, eux-mêmes volontaires pour passer leurs propres instructions. Le premier fossoyeur que vous allez entendre instruit l'intervenant chercheur sur sa manière de descendre le cercueil dans la fosse, tandis que le second fossoyeur instruit un autre intervenant chercheur sur sa manière de prendre en charge le cercueil sur son épaule. Ça devrait fonctionner. Comment la corde, comment... Alors après, tu vas le glisser. Oui. Tu freines après pour pas que ça tape non plus, donc tu reposes gentiment, tu freines ta corde. Hein. Et je suis concentré que sur ma corde ou les autres, comment je le sens? Non, tu es concentré que sur ton boulot à toi. Tu regardes que ton boulot à toi, tu regardes pas là, ce qu'il fait l'autre. Tu vois, ça va descendre en même temps. Ouais, mais je regarde et si j'avais. Parce qu'il y en a un qui n'est pas à mon même rythme, ça. Tu lui dis à l'autre de freiner ou d'aller plus vite. Ah oui, si tu vois, tu peux dire pas en criant, tu lui dis discrètement. Tu dis quoi? De descendre plus vite, tu dis. Un peu vite, comme ça. Ou sinon, si lui va trop vite, toi tu veux passer vite, c'est à toi d'aller un peu plus vite. Ou ça va trop vite pour toi, tu dis à l'autre de freiner. Et quand je dis l'autre, c'est l'autre à la tête? Ouais. Ah, c'est l'autre à la tête. Et alors, il y a la régulation entre les deux qui sont pour les pieds et les deux qui font la tête? Ouais. Je ne communique pas, c'est toujours au pied. Si l'autre descend trop vite au pied, tu vas lui dire aussi, freine. Hein. Laisse-nous le temps de descendre. En général, c'est plutôt avec... Logiquement, c'est toujours les deux qui gèrent. Ça arrivait déjà que les pieds vont plus vite que la tête. Hein. Là, on fait freiner. Hein. Les gentils, sans hurler, sans tout discrètement. Quoi. Oui. Voilà, c'est qui part en premier. Je me dis, on va le porter à l'épaule. Donc, j'ai bien vu que je faisais basculer mon épaule qui va recevoir le cercueil un peu en bas comme ça. Ouais. Et pour avoir une stabilité, j'allais dire, dans la posture, là, au niveau... On laisse reposer sur les épaules. Voilà, mais les pieds, là, dans ce mouvement-là... Ils vont se plier un petit peu, voilà. Pour donner la puissance, pour essayer de faire, de faire moins travailler le dos possible. D'accord, alors, je pense à ça, que je fasse moins travailler mon dos possible. Ça va être les cuisses qui vont porter le mouvement. D'accord. Et les bras vont accompagner. D'accord. Et le dos ne va pas travailler. Donc, il faut que je pense à ne pas faire travailler mon dos. Faire travailler mon dos, c'est... Pour faire l'air tranquille possible. Okay. Donc, surtout avec les gens qu'on va pousser. D'accord. La pousser pour lever, ça va être fait surtout avec les gens. D'accord. Mais on ne pourra pas s'accroupir non plus. Il y a la famille, il y a tout le monde. Donc il faut le faire discrètement aussi. Moi. Voilà, on entend dans ces consignes hein, que le fossoyeur tente de faire passer, hein, la difficulté, non pas à faire passer la part opérationnelle du geste professionnel qui consiste à dire quelque chose à un collègue ou à porter le cercueil sur son épaule ou encore de poser une corde au pied d'une fosse, mais plutôt la difficulté à faire passer quelque chose de sa dimension subjective et sociale. Quand on dit quelque chose au collègue, il faut lui dire gentiment, hein, discrètement, sans hurler. C'est aussi l'idée de poser le cercueil sur son épaule, hein, sans courir le risque d'une posture ridicule devant la famille endeuillée. Alors ces ponctuations qui structurent hein, ces consignes hein, sur plusieurs instructions de fossoyeurs, ces ponctuations comme gentiment, discrètement, sont vraiment significatives des tensions du métier qu'on retrouve dans la manière dont le fossoyeur doit arbitrer entre ces différentes dimensions du geste professionnel, entre l'efficience qu'il doit avoir et le sens qu'il prend dans le contexte du rituel funéraire. Car ces gestes de métier sont tendus vers le respect de la douleur des personnes endeuillées et, bien sûr, l'obligation hein, de réaliser une belle inhumation. Cette qualité recherchée d'une belle inhumation se prépare aussi en amont, par la qualité du creusement de la fosse dans laquelle le cercueil hein, va être déposé et autour de laquelle les personnes du convoi funéraire vont se recueillir. Pour cette activité de creusement, maintenant, et après une première phase de son analyse, les fossoyeurs et le médecin du travail ont souhaité poursuivre le travail d'analyse en le concentrant sur l'examen d'un geste précis, particulièrement délicat à effectuer. Un geste technique qui consiste à jeter de la terre en arrière de soi à l'aide d'un outil comme une pelle, par exemple. Ils ont aussi souhaité y associer une étude sur la mesure des sollicitations musculaires que l'effectuation de ce geste provoque au niveau des épaules et au niveau des lombaires. Ce travail a été conduit par des observations filmées et la méthode des autoconfrontations. Alors, méthode dont je dirais, là encore, très rapidement, hein, qu'elle cherche à engager les fossoyeurs à produire des énoncés nouveaux sur leur activité de travail. Ainsi, dans l'extrait d'autoconfrontation croisée que vous allez voir, l'échange entre les deux fossoyeurs s'organise à partir de leur confrontation aux images, les montrant en train de réaliser ce geste particulièrement délicat à faire, le geste du jeté arrière. En voici quelques extraits pour un fossoyeur. Et pour l'autre, voilà. Ces deux fossoyeurs, vous allez les retrouver en train d'analyser les images que vous voyez là. L'échange que vous allez voir entre ces deux fossoyeurs est aussi alimenté par des informations tenues par l'intervenant chercheur sur les sollicitations musculaires provoquées par chaque exécution qu'on voit sur les images. Alors, je vous montre rapidement la représentation graphique de ces sollicitations pour l'un des deux fossoyeurs, sans avoir le temps, bien sûr, de m'y arrêter ici. Les images vidéo et les représentations graphiques constituent deux artefacts réalisés par des biomécaniciens de l'INRS. Ils ont été conçus pour alimenter les dialogues entre fossoyeurs volontaires pour cette action, pour cette intervention. Alors, voyons en image un extrait de la manière dont ces deux fossoyeurs se sont saisis de ces deux artefacts. Qu'est-ce qui a changé alors pour la tête ? Déjà, je prends plus d'appui avec les jambes, j'ai plus un mouvement de bascule, parce que là, j'ai un... Alors, les appuis au niveau du volet avec le dos, l'outil, c'est... Là, je reste à la barre, là, c'est... Ouais, c'est vrai, c'est que le dos, là, c'est que le dos. Ah, là, le dos, il est mort. Ben, vous dites ça, mais en même temps, c'est surtout l'épaule gauche, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais le dos, il doit prendre le coup. Le dos, oui, mais... Ben, l'épaule gauche, pourquoi? Parce que ça fait ça. C'est comme ça. C'est épaule gauche. L'épaule gauche, par exemple. Et l'envers droit. Je coulisse pas mon bras gauche. Celui-ci, là. Il se lève haut. Toi, tu fais toujours comme ça. Tu jettes toujours des deux côtés. Moi, je jette d'un seul côté pour voir. Tu vois, t'es avec les gauches. Ta main gauche, elle est en bas. Tu jettes et en coulissant comme ça. Tu peineras 10 fois moins. Parce que comme ça, avec ta main ici, gauche, c'est elle qui dirige. Alors, si tu fais ça, tu vois, tu torderas tout. Tu vas toujours te tordre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu mets la main droite, et là, à la rigueur, tu ne tords pas. Avec ce que tu as envie de faire. Même en changeant ses jambes, je sais pas, il se tord quand même. Parce que tu te mets comme ça quand tu jettes comme ça. Les jambes sont bien placées là. Mettez-vous à côté. Là. Non, je ne suis pas encore. Alors, tu jettes de ce côté-là. J'ai une scie comme ça. Ouais. Hop, je fais appui. Et je le pose. Ah, mais regarde ton épaule. Elle fait carrément. Non, mais après, il reste comme ça. Ouais, mais tu fais il ça. Il est pas en l'air. Même si c'est pas en l'air, tu fais ça quand même. Et puis quand tu gestes comme ça, regarde mon épaule, elle bouge pas. Je fais ça. Et mon bras de cuisse, tout simplement. Essaye de faire de la tour, comme moi. Comme ça. Ah non, là, je le fais comme ça. Bon, alors, ce qu'on peut constater, c'est que ce dialogue emprunte deux voies, alternativement, la voie des énoncés verbaux et celle des simulations gestuelles. On peut aussi remarquer, au passage, que ces deux fossoyeurs se trouvent, d'une certaine manière, trop à l'étroit dans le cadre prévu par l'intervenant. La dynamique argumentative repose ici sur l'énoncé d'accord et de désaccord, mais aussi sur l'expérimentation concrète et sensible des gestes d'autrui par chacun et de ses propres gestes par autrui. L'objectivation du geste ouvre la voie à la révision subjective par le fossoyeur de son geste propre. Objectivation du geste quand de geste technique qu'il est, c'est-à-dire se jeter arrière. Pour le fossoyeur dans l'activité concrète de travail, qui consiste à jeter de la terre en arrière quand il est dans la fosse, ce geste devient un objet d'étude, ici, dans ce cadre, et un instrument pour convaincre son collègue. Et puis, révision subjective par le fossoyeur de son geste, quand les termes de la dispute professionnelle sont internalisés par lui comme moyen de retoucher les modalités d'exécution de son geste propre. L'isolement professionnel peut trouver là une voie de dépassement dans un dialogue qui n'est pas réglé entre deux personnes, mais pour un échange entre professionnels sur les tensions du métier et au-delà de ces deux personnes. Car les critères de l'action qui sont rediscutés là entre eux sont des questions génériques du métier, qui dépassent justement les personnes. Revenons pour finir aux membres du comité de pilotage que j'évoquais en introduction. Ils ont été placés par le dispositif méthodologique en situation d'être confronté aux analyses conduites par les fossoyeurs et avec, bien sûr, l'accord de ces derniers. Après ces 3 années d'intervention, les membres du comité de pilotage se sont engagés avec les fossoyeurs, et non plus sans eux, dans une nouvelle action de prévention, encore en voie d'expérimentation aujourd'hui. Celle-ci consiste à construire un dispositif de formation pensé d'emblée comme instrument de transformation du geste professionnel. Alors bien sûr, sans pouvoir présager ici aujourd'hui de sa pérennité, il a déjà eu le mérite d'engager les fossoyeurs et les membres du comité de pilotage sur la voie de la réappropriation de la question de la formation du geste, en renonçant en partie à s'en remettre exclusivement aux experts en bonne pratique. En guise d'ouverture à la conclusion, je renouerai avec le début de ma présentation. Ce travail défend l'idée que la transformation du geste professionnel, en lien avec des enjeux de santé au travail, se trouve trop à l'étroit dans les standards de la bonne pratique. Une autre forme d'objectivation du geste peut être envisagée comme voie de prévention. Comme on peut le voir dans cette intervention, cette objectivation du geste prend forme dans la dynamique des dialogues professionnels, intra- et intermétiers. Mais ce travail interroge aussi la posture de l'intervenant en santé au travail. En mettant les professionnels en situation de prendre la mesure des tensions du métier, plutôt que de prendre le pouls du malade, on peut aussi peut-être contribuer à donner une autre allure de vie à des questions qui sont liées, celle de la transformation des métiers et celle de la santé au travail.